juste a une grande efficacité. Prière fervente du juste. Bon, ben on va être dans Matthieu ce matin. Vous avez l'air surpris. Vous n'êtes pas subtil, là, quand même. Vous savez que je vous aime. Si vous ne saviez pas, je viens de vous le dire, là. Vous le savez. Bon, Matthieu, chapitre 10. On va lire 9, 35 à 10. C'est dur à arrêter, là, mais disons qu'on va aller à 17. Donc, Matthieu 9, 35 pour commencer. C'est écrit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leur synagogue, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis Jésus appela les 12, ses 12 disciples, et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le péager. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon, le cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il y a quelqu'un qui est digne de vous recevoir. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Gardez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, etc. C'est un bon passage, pour bien des raisons. Je retiens une chose en particulier de l'enseignement d'Omar. À un moment donné, si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, il a dit, en parlant de Jésus, qui, là, il y a le Jairus, si je ne me trompe pas, vient voir Jésus pour guérir sa fille, qui est sur le point de mourir. N'est-ce pas? OK. Et en chemin, Jésus se fait arrêté, touché, assurément, par une dame qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Bon, parenthèse, la fille avait 12 ans et cette femme-là, pendant 12 ans, ça faisait 12 ans qu'elle souffrait. C'est quand même intéressant de s'arrêter à ça. Okay? Il y a deux parcours, là. Une vient de naître, l'autre commence à souffrir. Une est sur le point de mourir et l'autre est désespérée totalement. Mais la même réponse, le Seigneur. Et là, il arrive que Jésus se fait interpeller et Omar nous rappelait quelque chose. C'est que c'est bon d'être focusé, mais en même temps, il faut être disponible et attentif. Donc, focus, oui, ben Jésus était focusé, il allait chez Jairus, mais en même temps, pas focusé avec comme avec des ornières pour oublier ce qui est autour et ce que Dieu fait. Donc ça, c'est une chose que je retiens, okay, sur laquelle je vais construire, si Dieu le permet. L'autre chose que je retiens de Landry, la semaine passée, pour ceux qui étaient là, ben, je résumerai comme ça, c'est la relation avec le Seigneur Jésus, l'intimité avec le Seigneur qui précède toute chose. Okay? Et Landry a fait valoir le point de différentes manières. Je ne peux pas refaire la prédication, il faut l'écouter sur Internet si vous voulez. Donc, ce qu'il a fait valoir, entre autres, c'est le fait que Jésus, avant de les appeler, avant de les envoyer, il avait appelé les disciples à être avec lui. D'accord? Donc, c'est les deux choses qui m'interpellent dans les deux dernières prédications particulièrement. En regardant le texte pour cette semaine, pour aujourd'hui, dans Matthieu, j'aimerais me concentrer pour commencer à nouveau sur les versets 35 à 38. Ça, c'est défaut de fabrication. Fabrication du Seigneur, ce qu'il fait dans ma vie. Donc, ça m'interpelle ces passages-là, à cause de qui je suis. Et de ce que le Seigneur, je pense, veut nous communiquer. Ça ne dépend pas de qui je suis seulement, c'est ce que je crois que Dieu veut nous communiquer. Une chose que j'aimerais faire, on doit se rappeler dans Matthieu, ce sur quoi on a construit depuis le début, c'est que Jésus vient en réponse, si je peux m'exprimer comme ça, à ce que Dieu avait déjà dit dans l'Ancien Testament. Donc, Dieu avait fait une promesse. On l'a vu, ça, dès le début avec Jean-Claude, entre autres. Fils d'Abraham, fils de David. Donc, promesse à David, promesse à Abraham, qui s'accomplit en Jésus-Christ. Les mages qui voient Jésus, en fait, qui voient l'étoile qui annonce le roi des Juifs, et tout ce qui se passe autour de l'arrivée du Seigneur Jésus, les anges qui l'annoncent aux bergers, à Marie, Élisabeth, son fils est annoncé, etc. Il y a plein de choses qui se passent, mais ce qui nous avait, je pense, ce sur quoi on s'était arrêté, c'est que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Dieu est en train de faire quelque chose. OK? Il a fait une promesse qui s'accomplit. Donc, tout le long, c'est ce qu'on voit. Le roi entre dans le monde. Son monde. Pas personne d'autre. C'est à lui. Il l'a créé. La terre est à lui. Ils sont établis sur des fondements éternels qui appartiennent à Dieu. Okay? C'est à lui. Et donc, il rentre. Et ça, c'est important parce que tout le long, même qu'on arrive sur le discours du trône, comme on l'a appelé, Jésus est en train de dire qu'est-ce que le roi pense, qu'est-ce que le roi veut, comment vit le roi, qu'est-ce que le royaume des cieux. Et on voit Jésus guérir. On a vu Jésus chasser des démons. On a des extraits, hein? Il y a quelques phrases dans la parole de Dieu qui dit, Jésus a fait ça en masse. Il guérissait tous les malades, chassait tous les... Et on a certains extraits. Regardez à quoi ça ressemble. Et ici encore, une résurrection, etc. Donc, dans le fond, quand on lit l'Évangile, on découvre Jésus. C'est lui qu'on découvre. Et Marc le met très clair. Premier verset de l'Évangile de Marc, ça commence comme ça, il n'y a pas de fla-fla. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est clair, hein? On commence. Il n'y a rien là. T'sais? On passe par-dessus la naissance, on y va. Voilà. Baptême. Et là, Jésus chasse les démons, choisit les disciples, etc. OK? Donc, mais Dieu a un objectif. Et il veut aussi se faire connaître à nous. Quand Jésus arrive, quand on est dans le verset 35 de Matthieu 9, on voit un Seigneur Jésus qui parcourt toutes les villes et les villages. Quand moi je lis ça, ça m'interpelle. Le mot « tout », il m'interpelle beaucoup. quand je vois tout, je vois Jésus qui ne se lasse pas, qui va. Toutes les villes, aucune n'est exclue. Toute ville, tout village. Et il va faire le tour. Il va faire le tour de la Galilée, il va faire le tour de la Judée. Jésus va faire le tour, il va aller. Et c'est écrit qu'il enseignait dans leur synagogue. Et quand on arrive dans Marc chapitre 1, quelque chose qui nous frappe, Jésus rentre dans la synagogue, il enseigne, et tout à coup il y a un homme qui est démoniaque qui se manifeste. Et moi, ça m'a toujours interpellé, j'ai peut-être même déjà dit ici un dimanche, c'est que cet homme-là était là, on va dire samedi après samedi, ou en tout cas sabbat après sabbat, bref, dans la synagogue, probablement. Mais quand Jésus vient et commence à enseigner, tout à coup, le royaume des ténèbres se manifeste. Il y a quelque chose qui se passe quand la présence de Jésus est là. Et Jésus est là, il enseigne dans leur synagogue. Il prêche l'évangile du royaume. Donc, il faut lire là la bonne nouvelle du royaume. C'est quoi la bonne nouvelle du royaume? Et guérissait toute maladie et toute infirmité. Et si vous prenez un instant pour lire les mots toute maladie, toute infirmité dans vos Bibles, il est au singulier. Okay? Donc ça, on peut le remplacer par chaque. En français, c'est comme ça qu'on peut le remplacer. Chaque maladie, chaque infirmité. N'importe quel, c'est un autre synonyme, n'importe quel. Donc, pour Jésus, il n'y avait rien, il n'y a rien, on ne va pas dire avait, il n'y a rien qui est un obstacle trop grand pour sa puissance, pour son autorité. Il n'y a rien qui est trop grand pour lui. Vous avez le droit d'être d'accord. Et Jésus, à la vue des foules, il y a quelque chose qui se passe chez lui, en lui. Et j'aimerais m'arrêter premièrement là-dessus. Si on veut comprendre le reste, j'aimerais vraiment parler de la compassion de Jésus-Christ. À la vue des foules, et je ne sais pas si c'est écrit comme ça dans toutes les traductions, mais des foules. Okay? Jésus en a vu des foules. Il y avait beaucoup de gens, des masses de personnes. Et quand il voit ces masses de gens, ces foules-là, de place en place, c'est écrit, il est ému de compassion. Et j'aimerais m'arrêter sur cette expression-là quelques instants, ça vaut la peine. Parce que si on ne s'arrête pas sur ce qui anime Jésus, on a de la misère à comprendre le reste, dans le sens que Dieu le comprend. L'autorité de Jésus, c'est pas l'autorité d'un président de ce monde. C'est pas l'autorité d'un roi de ce monde. C'est pas ça l'autorité de Jésus. Son autorité, elle est animée par sa compassion. Il a l'autorité de délivrer les êtres humains du mal. Elle est là, son autorité. Quand il la manifeste, là, ici, là, je parle de là, là. Restez avec moi, allez pas loin dans vos pensées. Je parle d'ici, là, dans Matthieu, là, 9. À la vue des foules, il en eut compassion. Et ému de compassion, c'est une belle traduction. C'est un seul mot, dans le fond, qui est traduit. Mais ce mot-là, il nous montre... Ailleurs, il va parler dans Luc, qui ça va être proche, il va parler des entrailles de miséricorde de notre Dieu. Okay? Les entrailles de miséricorde de notre Dieu. Ça veut dire que l'être intérieur du Seigneur. Il y a un mot en anglais qui dit « to yearn ». C'est comme un ardent soupir. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui qui l'anime profondément. Il y a une profonde compassion, un amour qui agissant. Il y a quelque chose qui se passe en lui, ses sentiments, les sentiments de Jésus-Christ, quand il voit la foule, parce qu'il connaît leur état. Et regardez comment il la regarde. Il dit, il en eut compassion car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. D'autres traductions vont dire lassées et abattues, languissantes et abattues. Louis II, 21, va dire blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. J'aime toutes les traductions. Il les voyait comme des brebis blessées, languissantes et abattues, qui n'ont pas de berger. Et imaginez un instant, qui est-ce qui voit cette foule-là comme ça? C'est le grand berger des brebis. Il est le berger. Il est le berger d'Israël. Et c'est ce qu'Israël a dit, l'Éternel est mon berger. Le Saint d'Israël, votre Dieu. Et quand il regarde la foule, Jésus, il n'est pas détaché d'elle. Au contraire, tout en lui désire être leur berger. Et tout en lui désire que la foule le reconnaisse, voit le berger. Et comme Omar faisait valoir, ils sont là, ils le voient le berger. Jésus est là et il attend que cette foule reconnaisse son berger. Et ce que j'aime, c'est qu'il est là avec ses disciples qui sont proches de lui. Là, il voit la foule et là, les disciples sont autour de lui et ils voient Jésus. Ça devait paraître dans sa physionomie, sur son visage, dans son corps, dans sa présence entière. Ça devait paraître ce qu'ils ont vu. Des fois, Jésus, il le dit ouvertement. Par exemple, quand il y a la foule, je ne me souviens pas si c'est le premier ou le deuxième miracle des pains, là, mais il y a 5000 ou 4000 personnes devant lui, là, beaucoup, des milliers de personnes. Et là, il se fait tard et Jésus leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. » Là, il n'y a pas de doute, d'ambiguïté sur les sentiments du Seigneur. Il dit, « Je suis ému de compassion pour elle. » Et il va dire, « Donnez-leur vous-même à manger. » Pourquoi Jésus prend le temps de leur dire ça? Il veut absolument que ses disciples sachent exactement ce qui se passe en lui, ce qui l'anime. Il ne veut pas qu'il y ait de doute là-dessus. Et comme on l'a déjà dit au fil des années, quand Jésus est en train de se faire clouer, il dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et si Jésus n'avait pas ouvert la bouche et dit ces paroles, on aurait pu soupçonner toutes sortes de sentiments. Mais Jésus, les sentiments qu'il animait alors qu'on est en train d'enfoncer les clous dans ses mains, dans ses pieds, c'est « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça, c'est la compassion de Dieu en action. La compassion de Dieu, c'est la compaction. C'est ça, sa compassion. C'est une compassion active. C'est une compassion qui agit. Et regardez ici, là. Première chose que Jésus fait, il se tourne vers ses disciples. Et il dit à ses disciples, « Mes disciples, comme la moisson est grande. » Oh, que la moisson est grande! Et les disciples font un lien direct, là. Il y a la foule, à la vue des foules, Jésus leur parle de ses... Ils voient Jésus. Première chose qu'il fait, surtout vers ses disciples, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tout de suite, Jésus implique ses disciples dans ce qui l'anime. Et là, il les implique concrètement. Il dit, mes disciples, il dit, priez. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et il donne plein d'informations en quelques mots, Jésus. Là, c'est, on pourrait rester toutes les 45 minutes là-dessus. Seulement. Jésus est ému de compassion. Prenons une petite parenthèse, juste vous montrer quelques passages où la même expression arrive. C'est le même mot, en fait. Okay? Et il y en a que vous connaissez très bien et que vous chérissez, ces passages-là. Jésus, dans Matthieu 14, 14, c'est écrit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Allez-y, prenez le temps. Matthieu 14, 14. J'entends des feuilles, je sens l'air des doigts qui se font aller sur les écrans. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et, ému de compassion pour elle, il guérit les malades, c'est ça? OK. Quand Jésus est ému de compassion, c'est pas une compassion qui reste inactive. C'est une compassion qui agit. Il y a certainement des sentiments et il y a une action qui s'ensuit. Ému de compassion, il guérit les malades. 20:34, Matthieu 20:34. C'est la même expression. Jésus, il y a des aveugles qui interpellent Jésus. Et Jésus, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Okay? Ému de compassion, il toucha leurs yeux. Compassion, action de Dieu. On peut en passer plusieurs. Marc 1, 41, pareil. Marc 6, 34. Marc 8, 2. Et là, c'est Jésus lui-même qui le dit dans Marc 8, 2. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont avec moi et ils ne mangent pas. Je ne suis pas insensible. Il n'est pas insensible aux êtres humains, Jésus. Il les a créés, il les aime, il a donné sa vie pour eux. Il n'est pas insensible envers eux. Quand il voit la misère du monde, il n'est pas heureux, lui. Il connaît la misère des êtres humains. Et les gens approchent de Jésus, comme dans Marc 9, et ils font appel à sa compassion. Marc 9, 22. C'est ça, non? Marc 9, 22. Oui, c'est ça. Le Père qui vient pour son Fils, il va lui dire « Aie compassion de nous ». Son Fils est pris avec un démon. Il fait appel à la compassion de Jésus. « Aie compassion de nous, Seigneur ». Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Parce que je n'ai pas le temps. Je suis occupé à faire autre chose. Jamais on voit. Il fait appel à la compassion de Jésus et Jésus a délivrer son Fils. Et l'autre, qui est comme un cadeau que je vais vous faire dans maintenant Luc, Luc 15, 20, dans cette sublime parabole que le monde entier connaît, que nous chérissons, que nous aimons, qu'on se répète, le Père qui aime son Fils, l'enfant prodigue, appelez là comme vous voulez, l'enfant prodigue, dans cette superbe histoire, il n'y a pas aucun film qui a été écrit qui vaut ce que Jésus dit, l'histoire d'amour, le véritable amour de Jésus. Quand le Fils est loin encore, le Père, dans la parabole qui représente Jésus-Christ lui-même, Dieu le Père lui-même, c'est écrit « Ému de compassion, il courut se jeter à ses bras. » Quand il est ému de compassion, il n'est pas resté assis les bras croisés à rien faire. Sa compassion a agi. Ça, c'est Jésus. Elle est touchante, cette histoire-là. Il voit de loin le Père dans l'histoire et il court. Mais ce que j'essaie de communiquer, dans le fond, c'est que quand vous voyez l'action, c'est ce qui anime Dieu, c'est ça que je veux vous communiquer. Qu'est-ce qui anime Dieu? C'est sa compassion. Quand il court le Père dans la parabole, tout le long, c'est la compassion. Je l'aime. Comprenez-vous? Et quand Jésus quitte le ciel, lui et son Père ont déclaré avec le Saint-Esprit, on les aime. On les aime. C'est ça qu'il déclare. Je vous aime d'un amour éternel. Ça, c'est dans Jérémie, puis dans Ésaïe 54. On va le lire dans quelques instants. Mais voyez-vous, donc Jésus devant la foule est ému de compassion quand ils étaient, il les voyait comme ça, blessés, abattus. Elles ont besoin d'un berger. Application directe. Quand nous regardons les gens autour de nous, peu importe qui ils sont, mais je parle particulièrement s'ils n'ont pas encore le berger. Si Dieu les regarde à compassion d'eux en sachant, il dit, il n'y a pas de berger, c'est pour ça qu'il agit comme ça, c'est pour ça qu'il se sent comme ça, ou qu'elle se sent comme ça. Elles n'ont pas de berger. C'est normal. Une brebis sans berger, elle est perdue. Elle ne sait pas où aller. Elle déboule la montagne. Elle a de la misère à se nourrir. Elle n'a pas de direction. Errant. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun cherchait sa propre voie. Donc, si c'est vrai, quand Jésus regarde la foule, particulièrement la foule israélite, et l'israélite entre autres, mais il n'y a pas juste l'israélite là-dedans, mais particulièrement l'israélite. Et Jésus a fait la promesse. Allons dans Ésaïe 54, si vous le voulez bien. Ésaïe 54, on pourrait le lire en entier. Jésus dit, parle à son peuple. Verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse. J'aimerais que vous preniez ces paroles-là. Appliquez-les-vous à votre vie directement pour commencer, OK? Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée sont plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Jésus dit à son peuple, tu ne te souviendras plus de ça. On va passer à autre chose ensemble. Nous allons passer à autre chose ensemble. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. C'est pas n'importe qui. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Et dans d'autres traductions, il va dire, dans une grande compassion, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel. Combien de temps ça dure l'éternité? On dit ça à des gens des fois. Combien de temps ça dure l'éternité? Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit le Seigneur, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Et regardez la promesse que Dieu fait. Il dit, comme j'ai juré à Noé, il va être pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Vous savez comment? Jésus a dit, il n'y aura plus de déluge qui va se répandre sur la terre pour détruire la terre comme je l'ai fait. La preuve, il va y avoir un arc dans la nuée. Et à chaque fois que je vais le voir, Dieu, vais me rappeler que j'ai fait une alliance avec toute la terre et avec vous, que je ne détruirai plus la terre par l'eau. Donc, on voit un arc-en-ciel, mais il faut arrêter de raisonner de comment les couleurs s'est fait, puis la science, puis l'eau, puis ouais, puis quand j'arrose mon boyau d'arrosage, puis que le soleil passe, puis là, c'est pas un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quand Jésus le place dans le ciel, puis lui, il le regarde, puis il se rappelle. Puis il sait pourquoi il le place. Mais, en même temps, Jésus dit, « J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. » De la même manière que j'ai fait cette promesse-là, il dit, « Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. » Il dit, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » OK? Et verset 11 dit, « Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, il dit, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis. » Moi, juste un instant, je vous reviens. Ne bougez pas. Je vais te rebâtir en pierre décorée, refaire tes fondations en saphir, le haut de tes murailles en rubis, tes entrées en cristal et tous tes remparts en pierre précieuse. Tes enfants seront tous mes disciples, ils vivront en pleine prospérité. Tu seras vraiment inébranlable, à l'abri de toute oppression, tu n'auras plus rien à craindre, tu seras délivré de la terreur, elle ne te menacera plus. Si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. Si on veut t'attaquer, si l'on t'attaque, verset 15, comment ça dit Valérie dans ce que tu lis? OK, si on t'attaque. Si on veut t'attaquer, il faut aller dans des complots, on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. D'ailleurs, quiconque t'attaquera succombera devant toi. C'est moi, remarque-le, qui crée le forgeron, l'homme qui active le feu et produit toutes sortes d'armes. Mais c'est moi aussi qui crée l'homme chargé de les détruire. Toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Quiconque t'accusera au tribunal, tu le feras condamner. Mais dans ce passage, encore, qu'est-ce qui anime Dieu envers son peuple? C'est sa compassion. Et quand Jésus choisit les 12 disciples, apôtres, et leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité, devinez qu'est-ce qui l'anime pour choisir les 12 disciples. C'est sa compassion. Sa compassion, son amour, l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour le monde et pour les siens. Les Juifs, dans ce cas. Jean-Claude. Je sais pas, vas-y. Dans Ésaïe 54, au verset 7, dit « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. » C'est ce que Dieu dit. Et quand on voit dans Luc, au chapitre 3, verset 21, au baptême de Jésus-Christ, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et c'est ce qui est intéressant ici. Et une voix vit entendre jusqu'à ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. On peut le lire comme Dieu dit, je t'aime beaucoup Jésus. Ou Dieu dit, en toi, Jésus, j'ai mis toute mon affection. Et quand Jésus nous parle, c'est avec toute l'affection de Dieu. Amen. Le Seigneur est connecté, hein? Donc, c'est son esprit. C'est ça. C'est vraiment ça. Quand Jésus prend les 12 pour les envoyer, et ce qui me frappait, parce que souvent on parle, Jésus il donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. Donc, on peut dire ici, Jésus donne l'autorité sur les démons et sur la maladie. On est d'accord? OK. Poussons juste un petit peu. À quoi sert l'autorité de Jésus ici, qu'il leur donne? C'est pour délivrer les humains? C'est pour les délivrer des démons? C'est pour les délivrer des maladies? En fait, Jésus il va dire dans la synagogue, si je ne me trompe pas, à Nazareth, il ouvre Ésaïe 61, un rouleau, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, quand il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, envoyer libres les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles et délivrer les prisonniers. Et annoncer une année de grâce, de la faveur du Seigneur. Donc ça c'est, quand Jésus vient, c'est ce qu'il est investi de ce service, de ce ministère. Donc, quand il envoie ses 12, c'est pour libérer les humains, les libérer de l'oppression du mal, du royaume des ténèbres, les libérer de ce qui les accable. En fait, le même passage dans Ésaïe 54, qu'on arrive à Ésaïe 55:1, c'est extraordinaire. Il va dire, vous tous qui avez soif, et encore là, il dit vous tous qui avez soif, il dit, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Il dit, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Et ça me fait penser à un des psaumes qui va dire, il y a des délices éternels devant toi. C'est ça. Oui, merci, à ta droite. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Merci. Il va dire, tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Verset 6, il va dire, recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Etc. Alors, quand Jésus envoie les 12, équipés, okay, de un, les 12 sont avec lui depuis un bon moment. Jésus a passé la nuit en prière, dans Luc on le voit, choisit les 12. Le Père lui a dit, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Jésus dit, OK, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Okay? Et il les envoie. Jésus leur dit, ils envoyaient après l'avoir donné les recommandations suivantes. Il donne une série de recommandations. Première chose à remarquer dans ce passage-là, c'est que Jésus, il dit, n'allez pas vers les autres nations. Okay? J'aime mieux dire les autres nations que les païens. C'est comme quand je dis païen, pour moi, c'est comme si ça sonne péjoratif dans mes oreilles. Mais ça, c'est moi. Mais c'est pareil. Vers les nations. Okay? Je vous envoie pas vers les nations. N'allez pas vers les nations, mais et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Vous allez vous limiter, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Okay? C'est là que ça commence. Et Jésus les envoie là, vers son peuple. Et dans Jean, c'est écrit, il est venu chez les siens. Et il envoie donc les 12 qui sont juifs chez les siens. Et ils vont faire ce pourquoi Jésus les a envoyés. Dans Marc, on le voit particulièrement. Donc, ils vont aller, ils vont chasser les démons, ils vont guérir beaucoup de malades. Marc 6, si vous voulez la référence. Et Jésus dit, en chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Autre traduction, prêchez que le royaume des cieux s'est approché. Autre traduction, prêchez que le royaume des cieux est tout près de vous. Donc, et c'est ce que Jésus lui-même va commencer à déclarer dans Matthieu 4. Dans Matthieu 4, c'est ce que Jésus va dire. C'est une des premières fois je pense qu'on entend Jésus dans Matthieu 4, ouais, il parle au diable. 4, 17, Jésus commença dès lors à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et dans Marc, chapitre 1, il va dire, « Croyez à la bonne nouvelle. » OK? Le royaume des cieux est proche. Et comment il est proche? Bien, je pense que là, c'est juste de redire ce qu'on a dit un peu depuis le début, c'est que Jésus, il est le roi qui a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il ne peut pas être plus proche que ça, le royaume des cieux. Le règne, il est proche. Le règne de Dieu est près de vous. D'ailleurs, quand il les envoie en chemin, il leur dit, dites que le royaume des cieux est proche. Il va dire, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et c'est intéressant, Jésus ne leur dit pas comment le faire, parce que ça fait un certain temps qu'ils marchent avec Jésus et qu'ils ont vu Jésus faire. Et ils vont le faire. Et on sait que Jésus les envoie deux par deux. Et Jésus va leur dire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'aime le comprendre ici, vous avez généreusement reçu, donné généreusement. Et dans le fond, ce qu'on donne, c'est ce que Dieu nous a donné. Et il nous a donné Jésus. Il nous a donné son esprit. Il dit dans 2 Pierre, on a tout en nous, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oui, Jean-Claude. J'y arrivais. Exactement. Bien. Et quand il dit gratuitement, c'est que dans le fond, on n'a rien fait de un pour obtenir. C'est lui qui nous a donné sans qu'on demande. On n'a pas choisi l'équipement, on n'a pas choisi la bénédiction, il nous l'a donné. Et effectivement, on donne sans s'attendre à quoi que ce soit d'autre. Comme Jésus quand il va guérir les 10 lépreux, si vous vous rappelez dans Luc chapitre 13, je pense, je ne suis pas certain de la référence, il va guérir 10 lépreux. Il y en a un seul qui est un Samaritain, comme par hasard, qui va venir se prosterner devant Jésus, qui va l'adorer et lui rendre grâce d'avoir été guéri. Mais Jésus n'a pas enlevé la guérison aux autres. Ça, c'est notre Dieu qui donne à tous, sans compter. Okay? Donc, quand il les envoie avec une autorité pour faire le bien. Une autorité pour guérir, pour bénir. Pleine autorité pour contrer les œuvres du diable. Et c'est ce qu'on lit dans Actes chapitre 2. Quand Pierre va parler, il va dire, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, joint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. C'est ce qu'il dit, Actes 2. Donc, ça c'est le ministère de Jésus. Allant de lieu en lieu, faisant du bien. Et ce qui est intéressant, parce qu'on peut l'appliquer, mais premièrement, Dieu s'est souvenu de son peuple. Dans Exode chapitre 3, quand Dieu parle à Moïse, verset 6, si je ne me trompe pas, il va dire, « J'ai entendu les cris de mon peuple. » Je vais aller le lire. C'est un beau parallèle, parce que c'est la réponse. Jésus est la réponse. Encore une fois, du cri du cœur des Juifs, mais de tout être humain qui crie vers Dieu. Exode 3, 7. Jésus va dire, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. » Et on peut dire, Dieu a bien vu la misère des êtres humains. Et on peut se dire, on peut se questionner, dire, est-ce que je la vois, moi, comme Dieu la voit? Et on peut en même temps transformer ça en prière, Seigneur, Aide-moi à voir la misère des humains comme toi tu la vois. J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Vous savez que l'Égypte est une analogie maintenant avec l'esclavage du péché. Il dit, j'ai vu sa misère et j'ai entendu son cri à cause de ses oppressions, car je connais ses douleurs. Jésus, quand il est devant la foule, ému de compassion, il connaît ses douleurs. Et il dit, verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel. Un pays qui va devenir le leur, que je le réserve, mais qui, dans le fond, pour l'instant, il appartient à d'autres peuples. Mais dans le fond, c'est votre pays. Je l'ai promis à Abraham, j'ai dit qu'il va y avoir un intermède de 400 ans, mais c'est à vous, dans le fond. » Et c'est comme quand Jésus dit à travers Paul dans Corinthiens, il dit « Tout est à vous. La terre est à vous. Tout est à vous. » Bon, ça paraît pas encore. Mais si on croit Dieu, ça va changer nos agissements, nos décisions. Parce que dans le fond, si on y croit, une temporaire affliction, sachant que c'est à moi de toute façon, éventuellement, Seigneur, tu le dis. Et en même temps, en attendant la patrie céleste, Jésus, quand il met les pieds à Capernaum, c'est intéressant, je l'avais regardé avec les jeunes adultes la semaine, il y a deux semaines, il va dire, c'est dans Matthieu chapitre 4, verset 13, Jésus va quitter Nazareth et va venir demeurer à Capernaum pour accomplir la parole de Dieu. Et Dieu avait dit, terre de Zabulon, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des païens, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Donc, ça, j'avais déjà dit, on l'avait regardé ensemble. Jésus, quand il met les pieds à Capernaum, il y a une grande lumière qui se lève sur les ténèbres. Mais c'est intéressant qu'on arrive au chapitre 9, verset 1. Quand Jésus va à Capernaum, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit que Jésus monta, Matthieu 9, 1, dans une barque, traversa la mer et se rendit dans sa ville. Pourtant, il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth et il appelle Capernaum sa ville. C'est intéressant, si vous voulez bien vous y arrêter dans le fond, c'est que quand Dieu envoie Jésus là, ça devient sa ville. Ça devient sa ville. Jésus est là parce que Dieu accomplit une prophétie quand Jésus met les pieds à Capernaum. Jésus n'a pas honte de dire qu'il va dans sa ville. Alors, quand Jésus me fait mettre les pieds à Saint-Denis, je peux dire c'est mon village. Quand Dieu fait mettre les pieds, fait vivre quelqu'un à n'importe quelle ville, prenez-le, vous les connaissez, vos villages et vos localités, on peut dire c'est ma ville, mon village, c'est ma localité. On peut dire c'est ma rue parce que c'est Dieu qui vous a placé là. Comme Jésus. Et du jour où Dieu vous enlève de là et vous envoie ailleurs, ben, de ailleurs, c'est votre ville. Vous comprenez? Pas parce que, seulement parce que le Seigneur vous a placé là. La seule raison est suffisante. Donc, quand le Seigneur les envoie, oui, il les envoie vers Israël, mais on peut l'appliquer à nous qu'ils envoient vers l'entourage immédiat. OK? Je vais le dire comme ça. Vers l'entourage immédiat. Et ils les envoient pour guérir, pour purifier, ressusciter, chasser et donner. OK? Ça, c'est des coupes de verbes là, comme ça. Et les envoie sans rien, sans équipement physique, sans ressources physiques. Comment? Sans valise, c'est ça, c'est bon, sans valise. Pas de petite monnaie, pas de petite monnaie dans les poches, parce qu'ils veulent leur enseigner quelque chose plus tard, pas longtemps avant qu'il aille sur la croix, Jésus va leur dire, Rappelez-vous, est-ce que vous avez manqué de quelque chose quand je vous ai envoyé sans rien? Il va dire non, rien. Rappelez-vous-en. OK? Parce que lui, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Le travailleur est pour Dieu annoncer l'Évangile, comme Gilles le dit si bien, c'est un travail. Et Dieu pourvoit aux besoins de ses ouvriers. Et Jésus va dire, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il y a quelqu'un qui est digne de vous recevoir. Je vais écouter probablement tout ce que j'aimerais dire ici parce que le temps avance beaucoup, mais ces passages-là, c'est particulier que Dieu me donne ces passages-là à apporter ce matin, parce que ce sont des passages qui sont précieux, dans le sens que j'y ai beaucoup, m'y suis beaucoup attardé, beaucoup, beaucoup, au fil des années. Et Gilles et moi, quand on commençait notre... Mais en fait, même avec Hélène était là à l'époque, Geneviève, tu sais, quand on était chez moi à Belœil et qu'on priait cherchant la volonté de Dieu, « Seigneur, où tu veux qu'on aille? » On se sent interpellé vers Saint-Denis, mais confirme, où on va, comment on va, qu'est-ce qu'on fait? Et c'était un moment vraiment intense que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on cherchait la face de Dieu. Et c'est bon. Puis on était ensemble. Et le Seigneur a tout changé notre conception de nos plans à l'époque. Et il confirmait par la bouche des frères, des sœurs. Et des fois, Geneviève vient, elle me parle de quelque chose qu'elle a lu. Je dis, hey, c'est exactement ce que Dieu nous montrait dans notre lecture. C'est exactement la question, puis ça venait confirmer. Fait que tu sais, il y a toute cette démarche-là que je ne veux pas perdre, dans le fond, et que vous non plus, vous ne voulez pas perdre, auquel on veut goûter encore et encore. Et dans le « informez-vous », on se questionnait, Gilles et moi, comprenant ce passage-là, on s'informe, qu'est-ce qu'on fait pour s'informer? Alors, auprès de qui on s'informe, tu sais? On met une annonce dans les journaux, on fait quoi? Mais premièrement, c'est auprès de Dieu. Seigneur, qui est digne ici dans ce village, cette ville, cette rue, dans ce lieu de nous recevoir? Et donc, c'est là. Et s'il se trouve quelqu'un qui est digne de nous recevoir, c'est quelqu'un qui va recevoir les messagers et le message. On a appris ça, nous, que... Ils peuvent recevoir le messager, mais pas le message, donc les deux sont exclus après. Ça, on a vécu ça. T'sais? Une ou deux fois, deux fois plus très, très clairement. Et en même temps, Jésus va dire, demeurez chez lui. Ça peut être chez elle. Et il va dire, jusqu'à ce que vous partiez. Donc, Jésus ne veut pas que nous soyons seulement de passage. Il veut qu'on s'investisse auprès des gens qui nous entourent et qui ne connaissent pas Dieu. Il veut qu'on s'investisse dans leur vie. Il les aime. Il veut se faire connaître à eux. Et les mains de Jésus, ce sont vos mains. Le corps de Jésus, ce sont vos corps. Les accolades, les hugs, les embrassades de Jésus, ce sont vos bras. J'ai appris que Jésus aimait peindre, faisait la peinture, fait des rénovations. Hey, Jésus, il fait toutes sortes d'affaires. Il est secrétaire, il est réceptionniste. Écoute, il fait à manger. Il est super bon. Et Jésus, il est super bon aussi, là, ça fait un cliché, hein, mais il est bon en menuiserie aussi. Il est bon aussi dans tout ce qui est système hydraulique, égout, informatique. Jésus, là, il excelle dans et je savais pas ça, jusqu'au jour où je découvre que Jésus, dans le fond, quand mon frère et ma sœur font quelque chose, soit à moi, à mes autres frères et sœurs, envers des non-croyants, des gens qui ne connaissent pas Jésus encore. Mais Jésus est en train de faire ça. J'étais un jour sur le plus haut, et j'avais peur, sur le plus haut échafaud, 3 étages d'échafaud, en train de peindre une corniche. Sans Gilles, j'étais seul, Je dis sans Gilles parce que pour moi, c'est significatif. On faisait ce genre d'affaires-là, tout ça. Et j'allais là, j'ai dit, Seigneur, ce matin-là, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes une double portion de l'esprit de Gilles. Puis, j'ai besoin de ton aide, là, parce que... Et j'étais là, en hauteur, en train de faire quelque chose, un petit peu à bout de bras. Puis là, j'avais de la joie. J'ai dit, ah, waouh, Seigneur, c'est le fun. Hein? Et dans le fond, Dieu est en train de bénir. C'est juste ça. Et il me donnait de la joie parce que je me rendais compte que ce qui est en train d'être fait, c'est le Seigneur qui le fait. Et un jour, une madame, pendant que je faisais un peu de peinture extérieure, elle arrête, elle me dit, monsieur, elle dit, vous peinturez? Je me regarde, je dis, oui, oui. Elle dit, j'aurais peut-être besoin de vos services. Je dis, c'est bon, je vais aller vous voir après. Et je suis allé la voir, et cette madame-là, c'est devenue une amie de la famille aujourd'hui. Et que les enfants même vont bénir. Et, bon, elle n'a pas encore cru au Seigneur. Mais le Seigneur l'aime et s'investit dans sa vie. Juste quelques exemples comme ça, juste pour donner la gloire à Dieu de ce qu'il fait dans nos vies. Quand il nous envoie vers les gens, ben c'est ce qu'il fait. Il est ému de compassion pour eux. Et en même temps, l'envers est aussi vrai. Lorsque quelqu'un ne reçoit pas les disciples de Jésus-Christ, en bout de ligne, au jour du jugement, c'est pire que quand Sodome et Gomorre a été détruite. Donc, ça montre juste la gravité et le sérieux, dans le fond, de l'œuvre du Seigneur. Et que quand Jésus envoie ses disciples, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là, et Jésus va dire, celui qui vous écoute, m'écoute, et écoute celui qui m'a envoyé. Il dit quelque chose comme ça. Mais par contre, il va dire, celui qui vous rejette, me rejette, et rejette celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Donc, c'est les deux côtés. Mais il faut avoir ça en tête, en même temps être un objet de bénédiction totale pour la ville, pour les gens. Totale. Et ça demande de faire comme Jésus a fait ici. OK, les gars. Il n'a pas dit « qui veut aller ?» Il dit « tu vas ». Et il a dit « priez le maître de la moisson ». Et en même temps que, oui, Dieu, c'est vrai, il y a certains que Dieu équipe plus particulièrement pour aller moissonner, mais en même temps, tous ses disciples sont investis de cette mission-là. Et en réalité, c'est sa moisson, c'est sa mission à lui. Parce que c'est lui qui est ému de compassion et c'est lui qui nous transfère sa tâche. C'est son œuvre à lui. OK? Ouais, je pense que je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te rendre grâce que tu prends ce que nous sommes faiblement. Tiens, tu connais mes... T'es même informé, tu me connais, tu sais, toutes mes failles, mes défaites, mes manquements. Et tu sais aussi tout ce que tu m'as donné comme équipement, mais tu connais mes succès à tes yeux. Puis, Seigneur, aide-nous à nous rappeler et à vivre de ta compassion pour nous, mais aussi à vivre de ta compassion. Tu dis dans ta parole que c'est par tes bontés qu'on vit. Et je peux dire, Seigneur, que si je ne savais pas que mon Dieu était bon et gracieux à mon égard, je ne serais pas là ce matin. Je n'ouvrirais pas, même pas la bouche, Seigneur, je serais caché en dessous d'une chaise et je serais... Non, mais Seigneur, ce n'est pas ça que tu veux pour nous. Tu as envoyé les 12 et pas parce qu'ils étaient eux en eux-mêmes bons, ils n'étaient même pas équipés en eux-mêmes, c'est toi qui leur as donné le pouvoir. Et tu as fait de belles choses parce que tu aimes les 12, tu aimes l'humanité et en même temps, Seigneur, tu nous aimes et tu aimes le monde. Ma prière, Seigneur, c'est que tu nous gardes près de ton cœur, tu nous gardes focussés, disponibles et attentifs et en amour avec toi. Et en amour avec nos frères et en amour avec le monde. Seigneur, tu dis que si j'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui résonne. Alors, on veut pas juste résonner, Seigneur, on veut étreindre, on veut bénir, on veut vraiment faire du bien concrètement. Alors, je pense à Saint-Denis particulièrement parce que c'est là où je vis, où nous vivons, et il y a des besoins à toutes sortes de niveaux. Et je sais à Saint-Charles aussi, pour entendre ce que Jean-Claude me raconte, il y a des besoins. Merci d'avoir mis l'église de Saint-Charles en contact avec plusieurs. Il y a des besoins à Tyburn. Seigneur, on te prie pour cette ville qui a besoin de sentir, de voir ta présence. Et pareil, McMasterville, Seigneur, c'est 6000 personnes-là qui ont besoin de Dieu. Seigneur Jésus, je te prie pour nos rues, là où tu nous as placés, afin que les gens voient la lumière, voient nos bonnes œuvres. Pas juste nos belles paroles. Oui, les paroles, mais Seigneur, qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils te glorifient. Seigneur, tu dis fait que les hommes voient ce que vous faites. Et c'est ma prière, Seigneur, pour toute ton Église. Nous ici, mais toute ton Église dans la région, la vallée du Richelieu. Seigneur, tu dis qu'il y a 120 000 personnes à peu près qu'on a vues. Et tu les aimes chacun. Et pareil pour la Montérégie. Seigneur, donne-nous de voir. Merci de ta patience envers chacun. Merci que ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Et merci pour ta parole et pour ton Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, d'être dans nos vies. Merci de nous conduire, nous encourager. Et je te prie de fortifier mes frères et sœurs. Je te prie, Seigneur, que... Ben, c'est ça. Vraiment, c'est ma prière. Que tu nous fortifies, qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans nos cœurs, Seigneur. Moi, le premier, Seigneur, tu sais comment je suis souvent confus et ambigu. Indécis. Alors, Seigneur, garde-nous... fais de nous des gens qui marchent ne pas assurés et humbles en même temps. Amen.